Cette année 2019 a été placée sous le signe des protestations de masse à travers le monde. Hong Kong, Chili, Iran, Liban, Irak, Catalogne, Venezuela, Équateur, Colombie. La liste des pays touchés par des manifestations massives ou des soulèvements est longue comme le bras. Revendications et méthodes différentes, certes, mais nous avons décidé pour les actualités de ce mois-ci de revenir sur quelques-uns de ces pays qui ont connu ou qui connaissent des manifestations massives. Alors, ça faisait un moment qu'on voulait reparler de Hong Kong, mais étant donné que nous ne sommes pas réellement centrés sur l'actualité en soi, mais plus sur l'analyse, on attendait un peu de façon à pouvoir prendre du recul sur la situation, et notamment on attendait que les événements arrivent à une conclusion. Cependant, 6 mois plus tard, cela n'est toujours pas le cas, mais dans cette chronique un peu spéciale, nous ne pouvions pas manquer de l'évoquer. Alors, ce qui a lancé ces révoltes a été la loi d'extradition que nous avions en réalité déjà évoquée il y a quelque temps dans le podcast en juillet pour l'épisode 8. Je ne vais donc pas répéter l'analyse faite à ce moment, mais on vous met en description de l'épisode le lien pour cette actualité spécifique pour que vous puissiez vous y retrouver si jamais vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé. On avait vu qu'à ce moment, le gouvernement avait reculé temporairement sur cette loi d'extradition pour calmer les manifestants. Alors, pourquoi est-ce que 6 mois plus tard, ils sont toujours présents ? Comme nous l'avions évoqué, les relations entre la Chine et Hong Kong sont compliquées et les Hongkongais sont très pro-démocratie et indépendance et ne veulent pas se soumettre à la puissance croissante de la Chine continentale sur eux. Il est important de mettre en perspective à quel point ces manifestations sont absolument immenses. La population de Hong Kong est de 7 millions de personnes et à son apogée, les manifestations ont regroupé 2 millions de personnes dans la rue. C'est un chiffre immense. Tellement qu'en réalité, cela a représenté la plus grande manifestation du monde des temps modernes. Mais encore la semaine dernière, ils étaient quand même 800 000 dans la rue, donc 6 mois plus tard, c'est assez impressionnant. Donc ce n'est réellement pas négligeable, ce qui peut surprendre davantage d'apprendre que cela n'a pas vraiment provoqué de changement politique, sauf qu'il faut prendre en compte le fait que les Hongkongais, plus que d'être face à leur propre administration, sont face au poids du géant gouvernement chinois de l'autre côté de la mer. Alors, que demandent-ils concrètement actuellement ? La principale demande se concentre sur le droit de vote au suffrage universel. D'ailleurs, aux dernières élections de conseil de district, il y a eu 71,2% de votants et le parti pro-démocratie et donc anti-establishment a gagné 17 des 18 districts avec plus de 76% des votes. Donc une victoire écrasante. Une des autres était donc de demander le retrait de la loi qui a été définitivement retirée en septembre et pas juste mise en suspens. Et les autres demandes sont surtout en rapport avec les manifestations en soi, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'elles ne soient plus catégorisées comme des émeutes. Ils veulent qu'il y ait une enquête indépendante sur l'utilisation de la force par la police et de l'amnistie pour tous ceux qui ont été arrêtés lors de ces manifestations. En effet, la police est également devenue de plus en plus violente, en arrivant même à tirer à balles réelles sur les protestants. En tout, il y a eu plus de 6000 arrestations, 16 000 balles lacrymogènes et 10 000 balles en caoutchouc tirées selon la BBC. La réponse internationale a mis du temps à venir, de la même façon d'ailleurs que peu de choses sont évoquées sur le sort des Ouïghours en Chine, puisque d'un côté c'est vu comme des affaires internes au pays et d'un autre ce pays, c'est la Chine, deuxième puissance économique mondiale. Donc les choses sont un peu compliquées de ce point de vue-là. Malgré tout, les États-Unis, même si Trump n'était pas convaincu dès le début, ont mis en place le Hong Kong Human Rights Democracy Act, qui est une loi qui stipule que les personnes hongkongaises et chinoises responsables d'abus des droits humains à Hong Kong seront sanctionnées. Alors, la situation n'a pas fini de se développer comme pour la plupart des choses que nous évoquerons ici dans cet épisode, et nous avons enregistré cet épisode juste avant que la représentante du gouvernement à Hong Kong se rende en Chine continentale pendant 3 jours. Donc ça reste une affaire à suivre. Vous en avez probablement entendu parler. En novembre 2019, il y a eu une vague de manifestations et de protestations assez inégalées en Iran, due à la hausse assez spectaculaire du prix du carburant. Ces émeutes, qualifiées comme telles par les dirigeants iraniens, ont été durement réprimées. Internet a été coupé durant cette période, ce qui a limité la diffusion d'images prises en temps réel de ces manifestations et de la violence qui les a rythmées. Blocage de routes, incendies de voitures, dégradation des stations-service, des banques, des stations de police. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, mais nous manquons cruellement de chiffres fiables. Le nombre de morts reste lui aussi assez flou, ça dépend des sources, mais Amnesty International décomptait à minima plus de 200 morts. Alors je voulais revenir sur la question d'Internet, parce qu'il est intéressant de porter une attention particulière à la maîtrise d'Internet par un pouvoir politique. On parle souvent de la Chine sur ce cas-là, mais le gouvernement chinois n'est pas le seul à avoir un véritable pouvoir et à l'exercer sur les médias, Internet, les réseaux sociaux, bref, tout moyen de communication que pourraient utiliser des contestataires au pouvoir en place. C'est notamment le cas de l'Iran. Les trois opérateurs Internet de l'Iran sont contrôlés directement par le régime, et en l'espace d'une seule journée, ils ont réussi à couper la quasi-totalité des connexions à Internet sur l'ensemble du territoire. Les organismes gouvernementaux et les banques ont été épargnés dans l'ensemble, mais l'Iran a été isolé du monde pendant plusieurs jours. Cela n'est possible que par la construction du réseau Internet centralisé, avec seulement quelques points d'entrée qui permettent un vrai contrôle gouvernemental. En France ou aux États-Unis, par exemple, la construction des réseaux est très ouverte et décentralisée, si bien qu'un gouvernement n'aurait pas les moyens de couper Internet, en tout cas pas comme l'a fait l'Iran. Alors, la cause des manifestations, c'est une augmentation du prix de l'essence de 50% pour les 60 premiers litres par mois, puis de 300%. Alors, l'essence, c'est très largement subventionné dans ce pays qui regorge de ressources pétrolières, et c'était jusqu'alors relativement peu cher. L'impact sur le pouvoir d'achat d'une augmentation de 50 à 300% du prix de l'essence est juste énorme. La cause de cette augmentation, eh bien, elle se trouve à l'origine dans le programme nucléaire iranien, les relations dégradées entre l'Iran et les États-Unis, et notamment le retour aux sanctions des États-Unis qui a largement dégradé l'économie iranienne. La vente de pétrole, qui est un des domaines d'exportation les plus importants de l'Iran, est à un niveau historiquement bas, dû à ces sanctions, et la colère des Iraniens se ressent de plus en plus avec les années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les causes des manifestations ne peuvent pas être réduites à simplement l'augmentation du prix de l'essence. L'Iran est un pays complexe, sous sanctions internationales depuis des années, ce qui a un impact direct sur le niveau de vie de sa population. La plupart des sanctions majeures appliquées à l'Iran datent des années 2005-2007 et ont eu pour objectif de tenter de bloquer son programme nucléaire. Ces sanctions ont d'ailleurs été l'objet de discussions et de négociations dans le cadre du JCPOA, c'est l'accord de Vienne sur le traité iranien dont les États-Unis se sont retirés en 2018. Une autre partie de ces sanctions est liée aussi au soutien de l'Iran à des groupes désignés comme terroristes par les États-Unis, comme par exemple le Hezbollah. Mais les États-Unis avaient commencé à sanctionner l'Iran dès 1979 lors de la prise d'otages à l'ambassade américaine. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la crise des otages de 1979, je vais revenir sur les points majeurs, mais je vous conseille de lire sur le sujet, je vous ai mis un lien en description. L'année 1979 est marquée par la révolution iranienne qui aboutit à la destitution du Shah, Mohammad Reza Pahlavi, et le retour de l'ayatollah Khomeini. La prise d'otages de 56 membres du corps diplomatique américain commence le 4 novembre 1979 et se terminera le 20 janvier 1981, soit plus de 440 jours plus tard. Les revendications des preneurs d'otages sont relativement simples. Le retour du Shah et le retour de sa fortune, le Shah qui s'était réfugié aux États-Unis en octobre 1979. De nombreuses discussions étaient tenues aux Nations Unies. En décembre 1979, les États-Unis ont expulsé tous les diplomates iraniens sur son sol. L'Iran a expulsé les journalistes américains en janvier 1980. Les États-Unis ont mis en place des sanctions économiques et ont tenté une libération des otages par opération militaire qui a échoué et a abouti à la mort de 8 soldats américains. Quand en mai 1980, la Cour internationale de justice exige la libération des otages et un dédommagement aux États-Unis, l'Iran fait un geste d'apaisement. Elle libère un des otages en juillet 1980. Quelques jours plus tard, le chat décède. Mais cela n'arrête pas les Iraniens qui demandent le retour de la fortune du chat en Iran, l'arrêt des sanctions et un engagement de non-ingérence de la part des États-Unis dans la vie politique iranienne. Après des mois de négociations, en 1981, les otages sont finalement libérés, à peu près une demi-heure après que Reagan soit officiellement devenu le président des États-Unis. Alors, désolé pour la digression historique, mais il faut bien comprendre que l'origine du ressentiment entre États-Unis et Iran ne date pas du dévoilement de son programme nucléaire, ce qui peut expliquer les rapports très compliqués qu'entretiennent ces deux pays. Mais revenons à l'année qui nous intéresse, 2019. L'Iran est un pays relativement jeune. Sur un peu plus de 81 millions d'habitants, 30 millions ont entre 15 et 25 ans. Alors, mais c'est une population donc, jeune mais qui vieillit très rapidement à cause d'un taux de fécondité très bas. On est passé d'une moyenne de 7 enfants par femme en 1980, ce qui est historiquement haut, pour arriver à 1,66 enfants par femme en 2016. La jeunesse, nombreuse mais vieillissante, est relativement diplômée, même les femmes, mais connaît un chômage très fort dû à la relative mauvaise santé économique du pays. On trouve plusieurs fractures sociales en Iran, entre les jeunes et les plus âgés, entre les religieux et les non-religieux, mais aussi entre les riches et les pauvres, dû à la réduction proportionnelle de la classe moyenne iranienne. C'est une société polarisée dont l'économie repose en grande partie sur son exportation de pétrole. La hausse du prix de l'essence est finalement ce qui a mis le feu aux poudres dans la société iranienne. D'ailleurs, plusieurs mouvements sociaux hors Iran ont commencé sur une contestation du prix de l'essence, comme en France, mais je ne le répéterai jamais assez, les circonstances sont extrêmement différentes et la comparaison est relativement malheureuse. À l'heure où nous enregistrons, les manifestations en Iran ont cessé et Internet a été rétabli, mais le compte de morts grimpe. Je vous parlais de 200 morts décomptés par Amnesty, mais selon certains observateurs, on s'approche plus des 350-400 morts. La fracture sociétale et les difficultés économiques étant au centre des revendications iraniennes, ce type de soulèvement risque de se reproduire à l'avenir, même s'ils sont très sévèrement réprimés par le régime, d'autant plus lorsque les pays voisins, eux aussi, sortent dans les rues et manifestent, plus ou moins pacifiquement. La situation iranienne est donc à suivre, et pas seulement comme on a tendance à le faire, c'est aussi mon biais, d'un point de vue nucléaire. Je trouve qu'on n'entend pas souvent parler de la Bolivie dans les médias, malgré le fait que Evo Morales soit quand même assez connu à travers le monde. Mais dernièrement, on en a beaucoup plus entendu parler et la situation n'est pas évidente dans le pays. Alors, que s'est-il passé? Tout a commencé avec une élection présidentielle, laquelle Morales serait gagné pour la quatrième fois, le 20 octobre. À savoir d'ailleurs qu'initialement, les mandats présidentiels étaient limités à deux. Et Morales a essayé de mettre en place un référendum sur la question, de façon à ce qu'il n'y ait plus de limitation de mandat. Et ce référendum a reçu massivement un non en réponse, enfin, la population ne voulait pas ça. Mais finalement, l'année suivante, le tribunal suprême a jugé donc en 2017 sur la question et a décidé d'enlever la limitation des mandats. Pour comprendre un petit peu la situation, le tribunal était constitué principalement de personnes loyales à Morales. Bon, la population clairement en avait marre et donc s'est soulevée en critiquant la fraude massive lors de ces dernières élections. En fait, Evo Morales aurait en effet gagné le premier tour des élections, quand même avec un grand soutien. Sauf que il aurait dû y avoir un deuxième tour puisque la différence de pourcentage entre lui et Carlos Mesa n'était pas assez grande pour que Morales gagne dès le premier tour. Un deuxième tour devait donc avoir lieu en décembre, c'est ce que les premières estimations ont dit. Tout ça le jour même des élections. Sauf que le lendemain, on annonçait déjà une différence de 10 points entre les deux candidats. Elle n'était que de autour de 6 ou 7 points la veille. Et donc ça aurait permis à Evo Morales de gagner dès le premier tour. C'est donc de là que sont parties les manifestations. La population affirmait que Evo Morales était en train de faire en sorte que, à petite échelle, les votes soient suffisamment modifiés pour que cela puisse avoir lieu. Ces soupçons ont d'ailleurs été renforcés lorsque le vice-président de la commission électorale a démissionné, en signe de protestation, puisque les votes avaient arrêté d'être comptés. Les élections ont également reçu des critiques de nombreux organismes internationaux et États, dont l'Union européenne, par exemple, et les États-Unis, enfin... Ce que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches sur la question a été de découvrir qu'apparemment depuis 1870, il y a déjà eu au moins 7 présidents qui ont résigné suite à des soulèvements populaires, dont les deux prédécesseurs de Evo Morales. Et celui-ci a fait de même le 10 novembre, notamment ayant eu de la pression de la part des militaires et a essayé de se réfugier au Mexique. Récemment, il a finalement fait une demande d'asile en Argentine où il se sentirait mieux, enfin bref. Bon, revenons donc à la Bolivie. 2 jours après le départ de Morales, donc le 12 novembre, c'est la sénatrice Jeanine Agnès qui a pris la place de présidente intérim, selon son... Enfin, elle se l'est autoproclamée, en fait. Cependant, pendant quelques semaines, les protestations ont continué. Et en fait, bon, la situation dans le pays est très compliquée, je ne suis pas experte. Mais en fait, il faut aussi bien comprendre que Evo Morales avait malgré tout un certain soutien dans la population. Et donc, il y a eu des manifestations qui ont continué, et cette fois par des pro-Morales, et des personnes qui avaient des appréhensions sur le fait que la présidente intérim... pourraient mettre en place des politiques qui aillent à l'encontre de ce qui leur convenait eux. Sachant que beaucoup d'entre eux, en fait, sont des personnes indigènes. Donc, en Bolivie, cette question est très importante et les indigènes arrivent à se faire écouter, notamment à travers des manifestations, et le pays est un peu divisé sur cette question. J'aimerais avoir le temps de plus la creuser. Ça pourrait faire l'objet d'une actualité en elle-même, ou même si nous avons de la chance, d'un grand dossier sur la question des indigènes en Amérique latine, par exemple, de façon générale. Mais bon, pour en revenir du coup aux manifestations actuelles, les manifestations ont clashé avec les forces de l'ordre qui sont accusées d'abus et qui auraient provoqué la mort d'au moins 36 manifestants. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Agnès est radicalement différente de ce que représentait Morales. L'opposé pratiquement. Elle représente toute une autre partie de la population. Elle est d'ailleurs extrêmement catholique et applique certaines de ses idées dans sa politique. Internationalement, elle s'est alignée avec les États-Unis et s'est désengagée des relations avec des États comme Cuba et le Venezuela. Donc, c'est aussi pour toutes ces raisons qu'il y a une certaine peur qui s'est créée autour de ça, puisque en réalité, elle commence déjà à mettre en place des choses très différentes de ce qui était en place auparavant. La situation reste délicate malgré les efforts de pourparlers de paix. De nouvelles élections auront lieu dans les mois à venir, même si la date n'est pas encore définie, mais la situation est clairement compliquée en Bolivie puisque c'est pas juste une question là tout de suite d'élections et de régime, mais c'est une question ethnique beaucoup plus profonde. Et donc, c'est une affaire à suivre. Vous n'avez pas pu manquer les soulèvements massifs au Liban qui ont été massivement relayés dans les journaux pendant les premières semaines de la contestation. On va quand même revenir dessus parce que la situation est compliquée et particulièrement intéressante. Le soulèvement de la population a commencé le 17 octobre dernier, et n'est toujours pas terminée à l'heure où nous enregistrons, c'est-à-dire mi-décembre. Contrairement à l'Iran, ce n'est pas le prix de l'essence qui a mis le feu aux poudres, mais une taxe qui devait être imposée sur WhatsApp, l'application de communication cryptée qui fonctionne via Internet, ainsi que d'autres applications du même type comme Viber. Alors vous avez probablement une de ces deux applications sur votre téléphone, et vous savez que leur utilisation est gratuite. Dans un pays tel que le Liban, avec une très forte diaspora, c'est devenu l'un des moyens de communication principaux. L'État libanais avait donc prévu de taxer chaque appel WhatsApp à hauteur de 20 centimes d'euros afin de renflouer les caisses de l'État. L'ampleur des protestations a poussé l'État libanais à faire marche arrière sur la taxe le soir même du premier jour des contestations, mais c'était trop tard, le mouvement était lancé. La société libanaise a fait face à de nombreux problèmes, et même si WhatsApp a mis le feu aux poudres, ce n'est pas du tout ce qui fait durer le mouvement. Augmentation de la TVA, accès à l'eau, à l'électricité et à la santé limitée, mauvaise gestion des autorités, des incendies qui ont ravagé une partie du pays, question économique. Le mécontentement des Libanais s'est petit à petit renforcé jusqu'à exploser sous la forme de manifestations parfois violentes, dont le régime ne se remettra probablement pas. En effet, les manifestants demandent un changement total de la classe politique, accusée de corruption, de communautarisme et d'incompétence. Le système politique du Liban est assez particulier. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de le creuser, mais je vous conseille de vous intéresser à l'histoire du Liban, je vous mettrai un article en description. Mais un point important, une règle non écrite mais pourtant respectée, en termes politiques au Liban, est celle du partage du pouvoir entre les trois plus grandes communautés. Le président de la République fait partie de la communauté des chrétiens maronites, le premier ministre est sunnite, et le président de la Chambre est chiite. Le 29 octobre dernier, le premier ministre Saad Hariri, un sunnite donc, a démissionné après près de 15 jours de manifestations. Aucun successeur, à l'heure à laquelle nous enregistrons, n'a encore été désigné. Les Libanais, fatigués de la corruption et de l'incompétence, je cite, de leur politique, réclament des technocrates et des indépendants au système politique, ce qui rend la désignation du premier ministre, du prochain premier ministre, encore plus compliquée. Normalement, lorsque vous nous écouterez, un nouveau premier ministre aura été désigné, un gouvernement formé. Mais comme aucun nom ne fait consensus parmi les formations politiques et que la désignation a déjà été repoussée d'une semaine, il est possible que ça dure encore un peu. Dans le paysage politique libanais, il faut aussi prendre en compte l'acteur Hezbollah. Alors créé dans les années 80 suite à l'invasion israélienne, le Hezbollah avait pour objectif de créer une république islamiste au Liban. Mais aujourd'hui, elle soutient le régime actuel et dénonce les actions des manifestants qui, en retour, critique beaucoup son leader Hassan Nasrallah. Le Hezbollah est représenté politiquement au Parlement libanais, c'est un acteur extrêmement important là-bas. Financé en partie par l'Iran, il est l'un des moyens d'ingérence de l'Iran dans les affaires politiques internes de son voisin. C'est également une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis et plusieurs de ses membres sont souvent l'objet de sanctions. Au-delà de l'acteur Hezbollah qui met clairement le feu aux poudres, le Liban est également impacté par la situation syrienne. Alors il faut savoir que la Syrie a imposé son hégémonie au Liban pendant une trentaine d'années, et ce jusqu'en 2005. La Syrie est également alliée au Hezbollah. Même si les combats en Syrie n'ont pas débordé au Liban, le Hezbollah y a envoyé de nombreux hommes. De plus, le Liban est devenu terre d'accueil pour de nombreux réfugiés syriens, presque 1 million d'entre eux. Le Liban ayant également accueilli de nombreux réfugiés palestiniens, la proportion de réfugiés dans sa population, que l'on estime à près de 30%, est tout simplement énorme. Imaginez la même chose en France, cela équivaudrait sur une population de 67 millions d'habitants à peu près 20 millions de réfugiés. Mais au-delà de ces questions politiques, le Liban est proche d'une faillite financière. La dette libanaise représente plus de 86 milliards de dollars, soit 150% de son PIB. C'est plus ou moins la même situation que la Grèce de 2010 dans la zone euro. La corruption, la mauvaise gestion économique et financière depuis des années, la mauvaise application des lois de financement, le manque de transparence, tout cela a empiré la dette libanaise et ça a eu un impact sur les taux d'intérêt de l'emprunt de l'État. La confiance des investisseurs est nécessaire pour des taux relativement faibles, et la situation libanaise n'inspire clairement pas confiance. D'ailleurs, l'agence de notation Fitch, que vous connaissez probablement, vous en avez entendu parler il y a quelques années sur la question du triple A français, a dégradé la note du Liban de CCC à CC. Alors, des mesures relativement fortes ont été engagées pour essayer de limiter cet écroulement économique du Liban. Les Libanais ne peuvent plus transférer leur argent à l'étranger et ils ne peuvent retirer que l'équivalent de 100 dollars par semaine. La monnaie libanaise a perdu près de la moitié de sa valeur en 2 mois. Une partie des Libanais ne rembourse plus leurs crédits, ne paye plus l'école, et donc les enseignants ne sont plus rémunérés. Les entreprises ferment, les importations sont réduites dues à la difficulté de paiement, et les conséquences prennent de plus en plus d'ampleur, notamment dans le domaine médical, dû à la réduction de l'importation de médicaments et de vaccins. Les coupures d'électricité, d'eau et de ramassage des ordures ont un impact sur la santé, le moral et donc les manifestations. Si la situation ne s'améliore pas, certains observateurs craignent l'arrivée d'une famine. En effet, les prix ont augmenté de 15% en novembre et le prix du lait, comme un peu produit de base, a augmenté de 30%. Le taux de pauvreté de la population, déjà très haut à 30%, pourrait atteindre les 50% de la population si l'inflation n'est pas maîtrisée, et ça c'est selon les prévisions de la Banque mondiale. Récemment, ce sont les jeunes opposés à la contestation sociale qui font la une des journaux en lançant des pierres et des pétards sur la police anti-émeute. Ces violences, qui sont répétées dans de nombreuses grandes villes, ont poussé le chef du Hezbollah à demander le calme dans ses propres rangs. Il faut rester relativement attentif à la situation libanaise car elle pourrait dégénérer si le prochain gouvernement n'arrive pas à régler les plus gros problèmes économiques et sociaux du pays. C'est donc une affaire à suivre. Le Chili connaît également des manifestations depuis octobre, comme pour la Bolivie, malgré des raisons très différentes. Semblable à ce qui s'est passé à Hong Kong, les premières manifestations ont été portées par des étudiants suite à l'augmentation des billets de transport public. Comme pour beaucoup de manifestations dans beaucoup d'endroits, comme on vient de les voir pour la plupart de celles que nous venons d'évoquer, cela n'a été qu'une étincelle pour que d'autres raisons, une manifestation ait lieu, d'autres personnes se motivent, etc. Pendant longtemps, le Chili a été sous la dictature de Pinochet, comme j'imagine que vous le savez. Cela fait maintenant une trentaine d'années que le pays est sous un régime démocratique et qu'il profite d'une expansion économique importante. Il est même considéré comme l'un des pays les plus forts économiquement d'Amérique latine. Cependant, comme cela peut souvent arriver, les chiffres économiques ne représentent pas tout à fait la réalité sociale du pays, et ainsi beaucoup de personnes sentent une forte inégalité au niveau économique et social, ce qui est donc le fond de la raison de ces manifestations. Outre la demande d'augmentation du salaire minimum et une réforme du système des retraites, les Chiliens demandent également que la constitution, qui date de l'époque de Pinochet, soit revue. Le président chilien, Sebastián Piñera, a répondu à certaines des demandes des manifestations au long des semaines. Il a promis de réduire la fracture économique entre populations dans le pays, augmenter le salaire minimum, augmenter les impôts sur les 1% les plus riches. Concrètement, il a changé nombreux de ses ministres et a proposé un plan pour que la constitution soit revue. D'ailleurs, ce dernier point a été soutenu par les principaux partis politiques qui ont signé un accord pour que celle-ci soit revue, et un référendum aura lieu en avril pour savoir qui la rédigera. Si c'est des membres du Congrès actuel ou des personnes qui seront élues. Cependant, cela n'a pas calmé les manifestants, et c'est en partie dû aux violences policières et de la part de l'armée. Là encore, il y a eu des abus très forts, qui ont d'ailleurs été soutenus par le président, qui a imposé un état d'urgence dès le début des manifestations, et a laissé liberté aux forces de l'ordre d'étouffer celles-ci par tout moyen nécessaire. Cela a conduit à au moins 23 morts et des milliers de blessés. Selon l'Institut national des droits humains, il y a eu au moins 800 incidents d'utilisation excessive de la force par la police, 194 incidents de violences sexuelles, y inclut des viols, et plus de 400 incidents de traitements cruels et de torture. Il faut aussi tenir en compte que les forces de l'ordre n'ont pas été 100% réformées et purgées après Pinochet. Et bon, donc ça pourrait aider à permettre de comprendre la situation actuelle. Beaucoup des incidents de violence policière sont aussi en rapport avec du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc tirées sur les manifestations, dont sur leur tête, qui ont d'ailleurs rendu aveugles d'un œil plusieurs manifestations. Le compte en serait à plus de 300. Enfin, en tout, 28 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations et plus de 1 600 attendent d'être jugées en tribunal. Donc, toute cette situation pousse aussi maintenant à ce qu'une des demandes soit une réforme des forces de l'ordre. Dans le plan international vis-à-vis de cette question, évidemment, on n'en entend pas beaucoup de choses puisque, à nouveau, c'est une question surtout interne au pays. Mais l'ONU a récemment fait appel à ce que tous ceux ayant commis des graves abus des droits humains et c'est ce qu'ils ont déjà établi, qui s'était passé, devraient être poursuivis en justice. Donc là aussi, c'est une affaire à suivre, notamment avec cette histoire de nouvelle constitution qui marquera sûrement un moment très important pour l'histoire moderne du Chili, et notamment maintenant, depuis qu'ils sont en démocratie. Mais c'est vrai que ce sera très intéressant à étudier dans quel sens le pays va aller et de voir comment la situation de façon générale va évoluer en Amérique latine, puisque il y en a eu plusieurs et il y en a encore actuellement des soulèvements populaires là-bas. Donc ce sera intéressant de voir quel sera l'aboutissement de tout ça. Pour revenir à la zone Moyen-Orient, après l'Iran et le Liban, je souhaitais vous parler de l'Irak. Alors, entendons-nous bien, il existe plein d'autres pays que ceux traités par Carolina et moi qui connaissent de fortes contestations sociales. Nous ne pouvons pas tous les traiter dans le format qui est le nôtre et nous avons donc sélectionné certains pays, ce qui ne signifie pas que les autres cas, par exemple l'Algérie, ne sont pas extrêmement intéressants. Nous pourrons éventuellement revenir sur d'autres contestations pour nos prochaines actualités. Intéressons-nous donc à l'Irak. Depuis le début du mois d'octobre, un vaste mouvement de contestation du pouvoir s'est formé. Alors oui, vous l'aurez remarqué, cela coïncide avec le mouvement libanais. On compte plus de 440 morts en Irak depuis le début des contestations et 20 000 blessés. La situation irakienne est très préoccupante. Violence extrême, coupure d'électricité, d'eau, enlèvement, assassinat, lynchage. Les hôpitaux sont bondés et des tentes de fortune ont été dressées pour accueillir toujours plus de blessés. Les contestations en Irak sont principalement politiques. Les Irakiens réclament de nouveaux dirigeants dignes de confiance, alors que les États-Unis accusent l'Iran d'ingérence et sanctionnent trois chefs de faction des Hash al-Shabi pour violation des droits humains. Les manifestants, eux, veulent une nouvelle constitution et une nouvelle classe politique. Je cite « Que les voleurs dégagent » est un des slogans scandés depuis octobre. Des centaines de clercs chiites ont rejoint les manifestations, mais le soutien religieux n'a pas suffi à enrayer la violence. 16 ans après la chute de Saddam Hussein, le système mis en place par les Américains et aujourd'hui sous l'influence des Iraniens est à bout de souffle. L'ingérence d'autres pays est fortement dénoncée, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Iran. Et cela sans parler de Daesh qui a beaucoup agi en Irak et où de nombreux partisans se cachent encore. L'Irak est coincé entre des influences contradictoires, c'est un pays qui ne s'est jamais complètement remis de la guerre avec les États-Unis et qui n'est pas du tout autonome. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails historiques et politiques qui ont mené à cette situation, parce qu'il me faudrait des heures pour vous expliquer la complexité du cas irakien, mais je vous conseille fortement de lire sur le sujet. Problèmes économiques, politiques, culturels, ethniques et religieux, l'Irak est une vraie poudrière. Les vagues de contestation dans les pays voisins, comme en Iran et au Liban, confortent la population dans ses revendications. Adel Abdelmadi a annoncé sa démission le 29 novembre, après 2 mois de manifestations populaires. Cette démission a été précipitée par la prise de position de l'ayatollah Ali al-Sistani, la plus haute autorité religieuse d'Irak, qui a appelé le Parlement à changer de gouvernement. Adel Abdelmadi avait été ministre des Finances, puis ministre du Pétrole, avant de devenir Premier ministre, ce qui lui permettait de se présenter comme un technocrate et pas un pur produit de la politique partisane. Alors on voit bien ici la convergence des revendications entre le Liban et l'Irak sur la volonté d'avoir des technocrates et plus des politiques corrompues. Le Premier ministre avait pensé à démissionner plus tôt, mais l'Iran avait envoyé le chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne pour demander à l'Irak de ne pas céder aux protestations. Vous comprenez que les contestations en Iran et les contestations en Irak, bien qu'elles ne soient pas complètement liées, ont un impact et les populations se soutiennent mutuellement. Les relations entre l'ancien Premier ministre irakien et l'Iran étaient étroites depuis l'exil du Premier ministre en France à partir de 1969. Finalement, même sous la demande de l'Iran, le Premier ministre a dû démissionner. Et cette démission n'a pas suffi à calmer les manifestants, qui dénoncent la corruption et l'incompétence de la classe politique dans son ensemble, ainsi que la déliquescence des services publics. Et pour l'instant, aucun nom acceptable par tous n'a encore été trouvé par les partis politiques en charge de fonder un nouveau gouvernement. La question économique est ici encore centrale. L'économie irakienne repose principalement sur l'exportation de pétrole, étant le deuxième producteur de l'OPEP. Lorsque le prix du pétrole baisse, l'État voit sa rente diminuer et la faiblesse de son économie hors pétrole ne lui permet pas de compenser ses pertes. En 16 ans, c'est l'équivalent de 2 fois le PIB de l'Irak qui est parti en fumée dans les mains des gouvernements, par incompétence, par corruption, alors que les infrastructures étatiques tombent en ruine. Le chômage chez les jeunes atteint 25%, un petit peu comme en Iran, et les contestations ne sont pas prêtes de se calmer si le prochain gouvernement ne trouve pas une solution à ce chômage et à cette pauvreté de masse. Alors, j'aimerais beaucoup vous parler plus de l'Irak, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une prochaine actualité ou même d'un grand dossier. Et je vais conclure là-dessus pour les questions du Moyen-Orient. On se rend compte que les contestations, bien qu'elles soient de nature différente, sont relativement violentes. Source une situation économique dégradée, une situation politique extrêmement dégradée avec des questions de corruption, bien que la question iranienne soit un petit peu différente des questions libanaises et irakiennes. Toutes ces contestations sont liées et la région du Moyen-Orient est en soi extrêmement instable. Il est très intéressant et il sera très intéressant de suivre l'évolution de ces contestations, à la fois dans ces 3 pays, mais aussi dans les pays voisins, pour voir quelle sera l'évolution de la région, tout simplement. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, il y a en ce moment de très nombreux soulèvements qui ont eu lieu partout dans le monde. Ce que nous avons évoqué ne sont pas les seuls, comme l'a mentionné Océane, et on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Cependant, nous avons dû faire un choix, et nous avons déjà été longues, donc ce sera à continuer sur une prochaine fois. Nous allons maintenant passer à un sujet qui lui aussi a provoqué de grandes manifestations aussi partout dans le monde. Nous allons nous tourner vers l'écologie. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Alexis Veillot, qui est diplômé d'un master en relations internationales de l'Université de Montréal et qui est spécialisé en sécurité et développement durable. Et c'est justement sur ça que tu vas nous parler aujourd'hui, Alexis. Oui, bonjour à tous, déjà. Comme Carolina l'a dit, je suis diplômé de l'Université de Montréal. Je me suis spécialisé cette dernière année. Dans les questions qui regroupent un peu la sécurité internationale, le développement durable, la coopération, et c'est là-dessus que je vais essayer de développer aujourd'hui, parce que c'est une question vraiment qui est d'actualité. Et justement, comment est-ce que tu en es arrivé un peu à étudier ça et à faire le lien entre tous ces sujets ? Je dirais que c'est un peu par passion et puis par mon parcours, c'est-à-dire qu'avant d'aller à Montréal, j'ai fait une année à Lyon 3 en sécurité et défense. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à vraiment m'intéresser aux questions de sécurité. Et ensuite, je dirais que c'est par la force des choses, par passion et puis par l'actualité où je me suis intéressé au développement durable et j'ai voulu faire le lien entre les deux parce qu'il y a beaucoup de liens. Et dernièrement aussi, il y avait beaucoup de débat autour de la question qui était est-ce que les changements climatiques et les dérèglements sont facteurs de conflits armés. Et c'est justement un débat qui m'intéressait beaucoup et c'est là-dessus que j'ai notamment travaillé à la fin de mon master et où quand je me suis spécialisé notamment lors de ma première expérience au Conseil de l'Union européenne. C'est vrai que c'est une question intéressante. On entend parler de migration qui risque d'y avoir à cause du changement climatique, mais on n'entend pas trop parler de... Enfin, on entend peu parler de la question des conflits armés, de quelle façon est-ce que ça peut affecter donc, Alors oui, pour ce débat, c'est super intéressant parce qu'on voit deux différentes visions s'opposer. Et notamment dans les médias, celle qui prime, c'est celle, je dirais, de la vision des météorologues, la vision du GIEC, par exemple. Encore dernièrement, là, j' ai vu un article sur le site de la RTBF, qui est un média belge, où on nous disait tout simplement le changement climatique mène à plus de conflits armés. Et bon, j'étais encore très intéressé par cet article. Je me suis dit dans quelle mesure ils peuvent dire ça. Je le savais à l'avance, et en fait ils ont cité des experts du GIEC. Et ça, c'est la vision des météorologues qui vont nous dire que les changements climatiques, tout simplement, vont mener à la raréfaction des ressources naturelles. C'est la théorie de la pénurie des ressources. Très simplement, la raréfaction des ressources, ça implique évidemment plus de compétition pour le contrôle de ces ressources et leur accès. Donc, à la fin, à une situation qui débouche sur des conflits armés. Notamment dans les pays où ces ressources sont déjà rares. Donc voilà, c'est une sorte de déterminisme, on va dire, qui peut sembler assez logique. Mais qui est, d'un autre côté, qui est contesté par la science politique. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la science politique, de toutes les recherches qui ont été faites, il y en a peut-être 95% qui concluent qu'il n'y a pas de causalité directe entre les changements climatiques et les pressions environnementales, et d'un autre côté, les conflits, et surtout des conflits armés. Alors, ça se situerait où c'est... Dans quelles aires géographiques est-ce qu'il y aurait ces pénuries Alors, oui, ces pénuries, ça pourrait arriver en théorie n'importe où. Hein. Ça pourrait arriver dans certains États des États-Unis, comme dans l'Afrique subsaharienne. Ça, ça va être plutôt l'actualité politique qui va le déterminer. Évidemment, il y a des régions du monde qui vont être très directement touchées et de manière très forte. Pour reprendre l'exemple du Sahel et de l'Afrique subsaharienne plus généralement, et c'est celle-ci que j'ai étudiée le plus en profondeur lors de mes recherches, on a une situation où, on va dire géographique et climatique, qui fait que la moindre variation, le moindre dérèglement va amplifier les effets météo, et évidemment ça va rendre par exemple l'agriculture presque impossible, ou la moindre variation climatique va impliquer des sécheresses sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire que ça peut créer des situations d'instabilité socio-économique qui peuvent déboucher à des conflits. Mais c'est, en soi, cette situation de raréfaction de ressources, elle pourrait arriver n'importe où. C'est juste qu'il y a des pays qui sont mieux préparés que d'autres. D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce qui fait dire que... qu'est-ce qu'il y a derrière l'argument qui dit que non, il n'y aura pas plus de conflits armés en rapport avec ça? Alors en fait, c'est pas un argument qui dit que... La science politique ne dit pas qu'il n'y aura pas plus de conflits armés. Elle doute de la causalité directe qui dit que, tout simplement, les changements climatiques qui sont déjà à l'œuvre et qui auront tendance à s'amplifier auront tout simplement pour effet d'accroître l'occurrence des conflits armés. Là, j'avais noté quelques chiffres de l'article de la RTBF qui citait les experts du GIEC qui disaient que on va... Les changements climatiques, dans une optique d'un réchauffement de 4 degrés, va augmenter les risques de conflits armés de 26%. C'est quand même un calcul, c'est très mathématique, ils ont des chiffres là-dessus, et dans la pratique, la science politique dit non. Les changements climatiques, en fait, ne sont qu'un facteur multiplicateur de menaces de conflits armés. C'est-à-dire que le lien n'est pas direct. Et lorsqu'on regarde ces études, souvent ce qu'elles nous disent, c'est que la conclusion, en fait, c'est que les institutions et la gouvernance sont elles-mêmes le facteur clé qui va déclencher ou non des conflits armés. Et les changements climatiques, ça va être juste un multiplicateur de menaces qui va agir avec des facteurs politiques et socio-économiques sur les chances de conflits armés dans un pays ou une région. D'accord, c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est logique. Mais, alors, le changement climatique, il peut affecter beaucoup de points différents. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quelle façon est-ce que ça peut affecter, quel type de ressources est-ce que ça peut affecter et de quelle façon est-ce que ça peut devenir, justement, comme tu disais, un facteur de plus dans ce qui peut créer des conflits armés. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, alors en fait, voilà, comme je disais, c'est très indirect ce lien et comme toi, tu me l'as fait remarquer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de domaines différents dans lesquels le changement climatique pourrait avoir une action néfaste pour la stabilité d'un pays, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de migration. Ça peut être là-dessus, par exemple, une région qui va être touchée par une sécheresse ou une inondation assez prolongée. Ça va forcément impliquer des migrations dans une autre région. Donc, par exemple, on a pas mal en Afrique, au Sahel, on a la question des personnes déplacées internes et des mouvements migratoires transnationaux dans une région où les frontières sont très poreuses. On remarque que ces déplacements peuvent ensuite avoir des effets sur les localités qui accueillent ces déplacements, de déstabiliser, qui vont être par exemple dus à une sorte de surpopulation dans certains camps ou dans certaines petites villes, ou d'instabilité sociopolitique, qui vont être dues à des facteurs religieux aussi parfois. Et souvent d'ailleurs, dans ces régions-là, qui accueillent aussi des mouvements de migration, ces régions-là, à la base, ne sont pas forcément très stables, et sont aussi sujettes à des conditions climatiques parfois difficiles. Donc ça, c'est pour les migrations. Ensuite, ça peut être... les changements climatiques pourraient avoir des effets très importants sur la production agricole. Par exemple, j'avais étudié le cas du Kenya, où 70% de la population, enfin il y a encore 10 ans, hein, mais 70% de la population dépendait directement du secteur primaire. On peut comprendre que lorsque les changements climatiques vont s'accroître et accroître encore les pressions sur la capacité de production agricole, on peut comprendre rapidement que, par exemple, pour un épisode de sécheresse, d'inondation, ou dans un autre pays, un épisode de froid assez long, là, c'est directement l'activité économique du pays et sa stabilité socio-économique qui va être remise en cause. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir tous les côtés différents. De la même façon qu'il y a l'agriculture pour certains pays, j'imagine pour des pays qui ont des ressources plutôt liées à tout ce qui est mer ou eau, ça puisse pas mal affecter aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influence des changements climatiques sur la sécurité d'un pays, en fait, ça va dépendre de la capacité de ce pays à gérer ses ressources naturelles et assurer par là même la sécurité de sa population et sa stabilité politique. C'est-à-dire que il faut reprendre la question de la sécurité dès son point de départ. La sécurité d'un État, elle est souvent pensée en termes très réaliste, assurer sa sécurité par rapport aux autres États, mais dans le cas du contexte environnemental, on va plutôt parler de sécurité humaine et de sécurité environnementale. Et c'est vraiment le lien entre les deux qui va impliquer une analyse autour des institutions, de la gouvernance du pays, parce que c'est à ce moment-là, comme je le disais au départ, que le changement climatique peut être une réelle menace ou non pour le pays. Ça va être en fait la gestion des ressources naturelles et la gestion de la vulnérabilité climatique ou environnementale du pays qui va être très importante. Est-ce que le conflit pourrait prendre une autre forme? Par exemple, en ce moment, en Afrique, dans beaucoup de pays, on voit une importante présence chinoise, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a une sorte de puissance du côté économique qui se crée et des petits affrontements de ce point de vue-là. Donc, est-ce que tu penses que là, par contre, il y aurait un lien direct pour tout ce qui est, disons, plus guerre économique, entre guillemets Alors ça, évidemment, je pense qu'il pourrait y avoir des affrontements qui seraient liés à la raréfaction des ressources, et notamment dans un contexte où on cherche toujours à produire plus et où nos modes de consommation exigent toujours plus de ressources rares. Par contre, je saurais pas dire de ce point de vue-là si nécessairement... s'il y aurait un lien, par exemple, une causalité mathématique du côté du réchauffement climatique et d'un côté, et de l'autre côté des conflits internationaux et encore moins vis-à-vis des guerres économiques. En fait, mes recherches sont surtout concentrées sur les conflits internes, ou peut-être transnationaux aussi, mais sur des conflits bien localisés. Et c'est pour ça que la science politique sera peut-être encore moins en mesure de trouver des causalités directes de ce côté-là, de conflits plus internationaux entre les grandes puissances. Et c'est compréhensible, c'est des secteurs différents, mais je me posais la question. Et là aussi, peut-être, ça sort un peu de ce que tu as étudié directement, mais je considère que c'est en rapport avec la sécurité, justement. Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait se passer vis-à-vis de tout ce qui est, disons, marché souterrain, marché noir par rapport à ces ressources, qui peut lui-même être causeur souvent d'instabilité et de conflits? Alors ça, c'est très intéressant parce que en fait tu mets le doigt sur un point important, c'est-à-dire que en fait souvent le commerce souterrain qui est donc non officiel de ressources naturelles, souvent de base, et ben en fait souvent c'est le terrorisme qui s'en charge. Bon, alors dit comme ça, le terrorisme, ça fait l'organisation terroriste mondiale, mais souvent en fait ce sont des factions qui sont rebelles, qui agissent sur des points stratégiques, sur des frontières assez poreuses, et qui vont réussir à faire du commerce transnational de ressources primaires leur gagne-pain. Prenons par exemple Boko Haram, qui agit au Sahel, entre plusieurs frontières. On sait que dans plusieurs localités, également par exemple autour du lac Tchad, Boko Haram a mis la main sur des ressources, sur des villages, et c'est premièrement comme ça qu'ils tiennent la population locale, premièrement parce qu'ils... ils sont fournisseurs d'emplois, et en plus, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à s'étendre et à garder une sorte de force opérationnelle. C'est justement parce qu'ils ont ces ressources, ils ont le contrôle de ces ressources. Le contrôle de l'eau dans une région où l'eau est rare, ça devient absolument indispensable pour une organisation rebelle et pour se maintenir. Donc en fait, dans le cas de Boko Haram, ça fait partie de leur stratégie, en fait. Ça fait totalement partie de leur stratégie. Je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte réellement le rôle du changement climatique et qu'ils se disent « Ah, c'est notre allié ». Mais c'est certain que dans une région où l'eau est déjà rare, avoir son contrôle, c'est tenir finalement la population locale, et c'est également être en mesure de proposer des emplois, et c'est absolument indispensable dans des régions où les gens n'ont pas d'emploi, où les ressources sont rares, où l'État n'est pas capable de remplir son contrat social pour fournir des simples besoins liés, encore une fois, à la sécurité humaine. Et c'est là où le concept de sécurité humaine et de sécurité environnementale prend tout son sens. C'est-à-dire que lorsque l'État n'est plus capable de gérer ses ressources naturelles et in fine d'assurer la sécurité humaine de sa population, c'est-à-dire ses besoins primaires. C'est à ce moment-là que l'État devient illégitime et que d'autres groupes rebelles vont être en mesure de proposer ces services aux populations locales. Dans le cas de Boko Haram, c'est exactement ça. Souvent, ils agissent dans des régions assez reculées, dans le Sahel, sur des régions qui sont peu contrôlées, très poreuses, où le commerce illégal est très facile, et où il est difficile également d'agir parce que ces organisations sont fondues dans la population et tiennent la population comme ça. Donc, la raréfaction des ressources, combinée à une faible présence étatique et combinée à des risques environnementaux, c'est à ce moment-là que le commerce illégal et des organisations rebelles peuvent fleurir. Comme tu disais, ce n'est jamais une raison directe, mais à ce que je comprends, ça peut être une raison indirecte pour plein de types de conflits qui peuvent survenir, que ce soit d'un côté commerce illégal, que ce soit de l'autre côté de donner plus d'atouts, entre guillemets, à des organisations terroristes, la question économique. Enfin, à la fois, il y a beaucoup de types de ressources différents et à la fois, il y a beaucoup de types de débouchés, entre guillemets, différents de ce que ça peut créer. Exactement. En fait, il faut prendre la chose comme un tout où les facteurs environnementaux et météorologiques, les facteurs sociaux, économiques, politiques, parfois religieux, tout ça doit être pris comme un tout et ce sont plusieurs paramètres qui, combinés, peuvent mener à des situations de conflit. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que, encore une fois, selon la science politique et les sciences humaines, et d'ailleurs c'est un peu leur rôle de dire, de ne pas donner de réponse claire, de ce point de vue-là, les facteurs environnementaux et le facteur changement climatique ne va être qu'un déclencheur d'une situation qui est à la base instable, et cette instabilité est souvent due aux facteurs politiques et à celui de la gouvernance. Après, de nos jours, la question du changement climatique devient de plus en plus présente dans tout ce qui est débat et même jusqu'à un certain point, un point très très faible, pour l'instant très très faible, mais jusqu'à un certain point aussi pour les relations entre États, dans le sens où... Au niveau de l'Union européenne, par exemple, je sais que ça peut créer, rapidement à nouveau, mais que ça peut créer des tensions un peu entre États qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les questions. Alors, par exemple, oui, si tu prends l'exemple des nouvelles divisions, par exemple, entre les États-Unis et ses alliés sur le changement climatique, ou des divisions intra-européennes sur la question de l'accueil des migrants, qui sont eux-mêmes, ces migrations qui sont elles-mêmes issues de conflits, eux-mêmes potentiellement, je dirais pas créés, mais qui ont été favorisés par des facteurs climatiques. Oui, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on arrivera toujours à trouver des lignes de fracture internationales qui sont indirectement causées par les changement climatique. Je pense que c'est un peu tôt pour l'instant pour parler vraiment de conflit entre États sur cette question, parce que je pense que malgré le peu d'avancées qui a été faite, on l'a encore vu lors des dernières COP, malgré ce peu d'avancées, on a une sorte quand même de consensus sur l'existence des changements climatiques et sur le besoin d'accélérer les politiques pour adapter et ralentir le changement climatique. Même si, encore une fois, ces politiques, à mon sens, clairement pas assez vite. Oui, et puis, il y a certes un consensus sur, en général, sur l'existence du changement climatique, mais après, c'est vrai que pour la mise en œuvre de certaines actions, ou de début d'action, peut être plus compliqué. on voit en fait, malgré cette bonne volonté affichée à l'international par les COP, là c'est la COP du changement, c'est on va y arriver, on va se mettre au travail. Je crois qu'en fait c'est juste l'intérêt national qui continue à primer, les intérêts économiques. Et dans certains pays où on a eu des élus qui n'ont pas cette politesse par rapport à leurs citoyens de dire oui, on va se mettre au travail, certains vont tout simplement nier. On pense à Trump, on pense à Bolsonaro qui ont juste pas envie d'agir et qui le font bien comprendre à tout le monde. Et d'ailleurs, j'en profite du fait que t'aies évoqué la dernière COP. Alors, tout d'abord, elle était censée avoir lieu au Chili, et elle n'a pas eu lieu au Chili à cause des soulèvements populaires dont on a parlé juste un peu plus tôt dans l'épisode. Et finalement, ça a quand même eu lieu en Espagne. Est-ce que tu sais si jamais cette question de la raréfaction des ressources est évoquée en général dans les COP? Est-ce que cette question est évoquée de façon juste générale dans les relations internationales, les relations entre les pays? Oui, la raréfaction des ressources, elle est mentionnée, je dirais, mais plus dans des plans de prospective où on va reconnaître que il y a des risques liés à cette raréfaction pour notamment, mais ça va être plus être du côté de l'indépendance, par exemple l'indépendance européenne. Si on prend le cas de l'approvisionnement énergétique ou de la production des batteries pour les voitures électriques, dans d'autres pays ça va être l'eau, ça va être la production agricole. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que tout va être mis en œuvre pour ralentir les effets du changement climatique de ce point de vue-là. On va plutôt voir ça comme en fait une menace économique pour la survie économique du continent ou du pays et pour sa compétitivité internationale. Et donc, dans tout ça, j'imagine qu'il n'y a pas de plan de contingence qui sont faits et il n'y a pas d'accord mis en place. Je veux dire, les États, comme tu as dit tout à l'heure, ils réfléchissent surtout d'un point de vue national. Et donc, j'imagine qu'ils ne cherchent pas à mettre en place des accords, des plans de contingence pour ces situations qui vont, pour beaucoup, inévitablement arriver. Alors, moi-même, j'ai pas connaissance de tel plan, donc je saurais pas te dire si. Je pourrais pas te dire qu'il n'existe pas, mais en tout cas, j'en ai pas connaissance. De mon analyse, c'est l'intérêt national et dans le cas de l'Union européenne, l'intérêt de l'Union qui prime. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment la compétitivité internationale. Et l'indépendance vis-à-vis des grands, notamment vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, de la Russie, une place en tant que puissance. C'est encore une logique de puissance en fait qui prime dans les relations internationales. Et c'est pour ça, notamment, je pense que les politiques environnementales, climatiques, qui font l'objet d'une diplomatie toujours plus médiatique ces derniers temps, en fait, ça n'avance pas. C'est vrai que parfois quand on regarde des films de science-fiction et qui sont en rapport avec le changement climatique, etc., on voit que souvent ce qui est représenté, c'est que les États les plus puissants sont juste ceux qui ont accès à toutes ces ressources qui, de nos jours, nous, on considère comme des ressources de base et qu'on prend comme acquis, en fait. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je voulais revenir du point de vue de la défense sur un rapport que j'avais lu, un rapport récent de l'armée américaine, qui démontrait que les capacités de l'armée américaine dépendaient pour une grande partie sur son approvisionnement en eau. Et c'est le cas des OPEX américaines au Moyen-Orient. Et ce même rapport disait également que le le réseau électrique américain et l'approvisionnement en eau à l'intérieur même du territoire américain pourrait être menacé par des changements climatiques et notamment par une augmentation de température moyenne supérieure à celle qu'on essaye de contenir dans les accords de Paris, par exemple, en sachant que les accords de Paris ne sont à l'heure actuelle pas respectés et qu'ils ne le seront probablement pas du tout, parce que les gros joueurs, tels que les États-Unis, justement, ne signent pas et ne les respectent pas. Mais voilà, comme tu le dis, ce sont des ressources qu'on prend pour acquises aujourd'hui, qui ne le sont plus du tout dans certains pays, qui risquent d'être un problème central, un enjeu absolument central dans les relations internationales futures, notamment pour les grandes puissances actuelles. Mais c'est super intéressant ce rapport que tu as évoqué. Ça veut dire que selon comment les choses évoluent, on risque de voir aussi une transformation même de la façon... Enfin, en fait, ce que je vais dire, c'est un peu bête, parce qu'on assiste déjà à une transformation de la façon de faire la guerre et des armées. On assiste déjà à ça pour beaucoup d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le changement climatique, enfin, toutes les questions technologiques, etc. Mais, en fait, ça signifie aussi que le changement climatique et ce genre de ressources risquent aussi d'être un facteur qui pousse à ce changement et à faire autrement. Ah oui, totalement, ça va être... on n'aura plus le choix, en fait. Encore une fois, quand on voit qu'une armée comme l'armée américaine, qui est absolument la plus... qui a les capacités de loin les plus élevées au monde, quand on voit que ça dépend de sa ressource en eau, de sa capacité énergétique, ce sont des choses très simples, mais qui... implique des facteurs géopolitiques très complexes. L'énergie, si on parle notamment pour l'OTAN par exemple, il me semble que l'ensemble de l'approvisionnement énergétique des armées de l'OTAN doivent être la même. Alors peut-être que tu pourras me compléter ou me corriger là-dessus. Mais ce sont des considérations qui peuvent sembler très techniques, mais je pense qu'il y aura une grosse influence sur la manière dont les États vont opérer militairement et vont fonder leur défense et peut-être même leur concept de sécurité. La sécurité énergétique, de l'approvisionnement, l'approvisionnement en eau, toutes ces questions, en fait, sont à la fois des questions de sécurité humaine pour certains pays et de sécurité nationale pour d'autres pays. En fait, les armées et les États n'auront plus le choix. C'est pas juste une question de vouloir être plus avancé technologiquement et avoir de nouveaux moyens. C'est vraiment une question de ne plus avoir le choix. Ce qui mettra aussi en difficulté certains pays et certaines armées qui n'auront juste, et qui même de nos jours, n'ont pas les moyens de faire ces avancées technologiques, sauf qu'elles ont encore en quoi se rabattre, tandis que s'il y a une pénurie des ressources et qu'elles n'ont plus le choix, mais que d'un autre côté, elles n'ont pas les moyens de s'adapter à d'autres types de façons de faire, ça risque de créer, peut-être pas créer de nouveaux rapports de force, je ne pense pas, mais de peut-être renforcer ceux qui existent déjà. Ça peut, ouais, c'est vrai que ça peut créer ça peut accentuer l'emprise de certains États sur des ressources naturelles. Et là, évidemment, la théorie de la pénurie, on la verrait de l'autre côté. C'est plus des populations qui se battent pour des ressources rares, mais tout simplement des ressources rares qui appartiennent à des grandes puissances. Et celles-ci peuvent monnayer l'accès à ces ressources de la manière qu'elles veulent. Et là, on a évidemment des rapports de puissance qui se solidifie, on va dire. Et en fait, au-delà des rapports de force militaires, on va dire, entre les États, pour revenir dans la relation plus directe entre leur vulnérabilité au changement climatique, leur vulnérabilité, c'est-à-dire en termes de sécurité, et du risque interne de déstabilisation et de conflit, C'est très intéressant. Il y a le Fund for Peace qui a créé un index et qui l'actualise tous les ans. Et cet index, donc à partir de plusieurs indicateurs économiques, sociaux, politiques, au niveau de la gouvernance, etc., cet index fait un classement des pays dans le monde selon leur vulnérabilité, tout simplement, au changement climatique. Et c'est intéressant de se rendre compte que souvent, on a des pays qui ont beaucoup de forces, des forces économiques, des populations très élevées. Je reprends le cas du Nigeria, qui est le pays le plus riche d'Afrique, le plus peuplé d'Afrique, qui a une grosse croissance. Et pourtant, dans ce classement, en 2019, il était classé à la 14e position des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et c'est lorsqu'on regarde ces indicateurs qu'on se rend compte que finalement le changement climatique va se combiner à des fragilités de nature économique, par exemple l'inégalité, la dépendance à un secteur primaire ou à la production pétrolière, évidemment à des facteurs géographiques aussi, parce que c'est une certaine exposition à des facteurs météorologiques et climatiques. Et tout ça, voilà, ça fait un melting pot. Et en fait, c'est le changement climatique va être comme une sorte d'activateur d'une situation qui est déjà très instable et qui va provoquer par des manquements dans la gouvernance et dans les institutions politiques, qui va provoquer des situations de déstabilisation. Donc, encore une fois, en fait, les rapports de force mondiaux à l'aune des déstabilisations climatiques, des dérèglements climatiques, pardon, on se rend compte qu'en fait, souvent, ce sont des facteurs internes à ces pays qui présentent des risques plus que des facteurs externes. Autant d'un point de vue militaire, il semblerait que, ça c'est nos hypothèses personnelles, mais selon nos conclusions personnelles, il semblerait que ça puisse renforcer les places actuelles. Autant, donc, de ce que je comprends par rapport aux vulnérabilités, etc., d'un point de vue économique, ça peut complètement renverser la position actuelle d'un État. Et donc, social aussi, d'un point de vue social, puisque c'est lié. Voilà, ensuite, il faut quand même se dire qu'on parle de vulnérabilité, et la vulnérabilité, c'est en termes prospectifs, en fait. Ça veut dire que c'est un risque. Ça veut pas dire que le Nigeria est un État failli directement. Ça veut pas dire que le Nigeria, on peut le classer dans les pays qui ont subi le changement climatique et le Nigeria reste encore à l'heure actuelle le pays le plus riche d'Afrique avec la croissance la plus soutenue. Ça, je vous laisserai regarder les derniers chiffres. Je suis pas sûr, en fait, que ce soit la croissance la plus soutenue, mais, ça reste, comme on l'appelle, le géant pied d'argile. C'est un géant économique en Afrique. Donc, à ton avis, est-ce que ce genre de pays plus vulnérables pourrait encore changer leur situation? Parce que, comme tu dis, c'est un risque. Donc, si jamais ils prennent ces risques en compte et que, je sais pas, ils font le nécessaire, est-ce que tu penses que cette vulnérabilité et tous ces risques pourraient être complètement différents si certains de ces États agissaient de façon complètement différente aussi? Oui, c'est ce que je pense. Alors évidemment, il s'agit pas de faire une réforme constitutionnelle ou de changer de président simplement pour baisser ses risques. En revanche, il faut se dire que c'est le cas par exemple des politiques de coopération et de développement de l'Union européenne que j'ai pu suivre de plus près. Celles-ci, elles prennent en compte ce qu'elles appellent le nexus sécurité et développement. Elles prennent en compte en fait une approche intégrée du développement qui va donc intégrer l'ensemble des programmes de sécurité, de développement économique, social et les réformes politiques dans un même tout, dans une vision holistique qui permette de dire, voilà, on n'a pas un facteur principal de vulnérabilité pour un pays, mais bien plusieurs qui s'additionnent, et au centre de ceci, finalement, c'est la gestion politique du pays qui importe. Les réformes politiques, c'est-à-dire les réformes de gouvernance, pour le meilleur ou pour le pire, ça je vous en laisse juger, mais celles-ci sont absolument indispensables pour parer aux vulnérabilités de ces pays en développement, comme on les appelle. Pourquoi ? Parce que la gestion des ressources naturelles, la protection de la population, la sécurité du pays, c'est-à-dire par exemple combattre des groupes rebelles tels que Boko Haram, mais ce ne sont pas les seuls, tout ça dépend des institutions politiques. Donc voilà, en fait, tout un ensemble de facteurs politiques et institutionnels. Par exemple, leurs manifestations, ça va être le niveau de corruption du pays, le respect des droits de l'homme, qui ont un effet sur la légitimité de l'État, et le fait d'avoir un État fort ou non, contesté ou moins contesté. Tout ça est absolument indispensable, premièrement pour faire face aux groupes rebelles, pour agir donc sur le côté sécurité armée, et plus indirectement pour parer à la sécurité on va dire climatique du pays. Ça ne veut pas dire que les changements climatiques n'auront pas d'effet en termes météorologiques, mais ça veut dire que leurs effets, par exemple la réduction des capacités de production agricole, les mouvements migratoires qui vont être provoqués par ces pressions environnementales, etc., celles-ci vont, ces phénomènes en fait vont arriver, mais ça va être la manière dont l'État en question va les traiter qui va être le plus important. Et cette manière de les traiter, ça dépend directement de facteurs politiques. Et donc, alors, pour en revenir à ce que tu parlais au tout début, et pour conclure ce grand dossier, est-ce que, en fait, tu disais que pour les météorologues, le changement climatique, elle est directement provoquée des conflits. Et t'expliquais que pour les sciences politiques et humaines, ce n'est pas exactement comme ça et ce ne sont pas des liens directs. Et donc ma question c'est, est-ce que tout ça ne serait tout simplement un manque de compréhension entre les deux types de sciences, est-ce que au fond, on ne sait pas dire la même chose? C'est juste que, évidemment, les méthodes sont différentes, les points de vue sont différents. Certainement, oui, d'un côté, moi, si tu veux mon avis personnel, il me semble que les publications climatiques qui vont s'attaquer à la sécurité le font peut-être pour éveiller les consciences et parfois avec une dose de déterminisme, mais en tout cas ce qu'on appelle la sécurisation du changement climatique, c'est peut-être aussi un moyen de communication plus fort pour dire bon maintenant faut se mettre au travail parce qu'on va avoir des guerres qui vont arriver et ça va pas vous plaire. C'est un aspect peut-être que on a un décalage aussi entre la science dite dure, la météo, et les sciences sociales dites plutôt, enfin, on parle de sciences molles, je suis pas d'accord avec ça, mais peut-être qu'il y a une science qui est attachée à donner des chiffres et à donner des conclusions plutôt définitives, plutôt qu'une autre science, les sciences sociales, qui sont habituées à donner des demi-réponses et à dire si vous avez une autre étude, on est preneur parce qu'on n'a jamais réussi à dégager de réponses directes. Mais c'est vrai que ton opinion personnelle est quand même aussi très intéressante, un peu dans le sens de, ils se sont dit on va parler leur langage pour voir si ça marche comme ça. Oui, et puis cette rhétorique la sécurité par rapport au changement climatique. C'est une rhétorique qui a été souvent adoptée dans des discours politiques. Et je pense que on va encore en avoir. On risque d'en avoir de plus en plus, des discours qui vont nous mettre en avant le risque de conflit. Parce qu'on a besoin de chiffres. Un discours politique qui se fonde sur des chiffres, c'est ce qui parle aux gens. Et quand une publication de scientifiques va dire que dans un scénario avec 4 degrés de réchauffement, l'influence du climat sur les conflits armés va être multipliée par 5, bah, ça parle aux gens. Et là, on pourra sortir ce chiffre et ça va permettre d'enchaîner le débat sur dire, bon, voilà, il faut réellement se mettre à agir sur les politiques climatiques parce qu'on risque d'avoir plus de conflits derrière et ça va nous toucher plus directement. Alors que dans la réalité, la causalité est bien plus indirecte. Oui, que comme toujours, de toute façon, les choses, elles sont bien plus compliquées qu'on ne les montre. Tout est beaucoup plus lié qu'on ne le croit. Et voilà, après, ça fait partie de comment les relations internationales et les politiques nationales fonctionnent. Exactement, c'est une manière de voir les relations internationales comme un ensemble de politiques qui semblent bien différentes sur le papier, mais qui se complètent au final. En tout cas, merci beaucoup Alexis d'être venu et de nous avoir parlé de ce sujet passionnant qui, moi personnellement en tout cas, je n'en vois pas si souvent que ça parler. Et d'un autre côté, comme tu dis, ça va arriver de plus en plus. Mais c'est super d'avoir dès maintenant les outils pour comprendre ce sujet complexe. Bah, merci en tout cas de ton invitation, c'était un grand honneur de pouvoir parler de ça, même si je pense qu'il y a sûrement des auditeurs qui vont être tiqués à certains de mes propos, donc c'est tout à fait normal, je suis pas forcément un expert international là-dessus, mais si j'ai pu permettre de donner certains outils, c'est avec grand plaisir.